إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous poursuivons cette série de cours intitulée « Pour un Ramadan réussi ». Sachez, mes frères et sœurs, qu'apprendre la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une réjouissance en soi. Mais de la découvrir ou de la redécouvrir pendant ce mois béni de Ramadan apporte une saveur particulière, et notamment lorsque l'on étudie la bonté, la générosité et la largesse du prophète alayhi salatu wassalam, des vertus qui n'ont été égalées par aucun autre être humain. Al-Bukhari et Muslim rapportent selon Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه كي دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. البخاري مسلم رابورت سورة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كي دي Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Il l'était d'autant plus pendant Ramadan, lorsqu'il rencontrait Jibril. Il était, lorsqu'il rencontrait Jibril alayhi salam, plus généreux que les vents envoyés. Et on avait vu dans les cours précédents que les vents envoyés sont des vents qui apportent des nuages gorgés de pluie. Cette pluie qui arrose autant les terres arides que les terres non arides. Autrement dit, que c'est un bien qui touche toute personne, indépendamment de son statut, indépendamment de sa situation financière. Et les savants ont notamment déduit de ce hadith d'Abdullah ibn Abbas que le fait de côtoyer les nobles pousse la personne à être meilleur. Et il y a dans ce hadith la preuve que la bonne compagnie apporte le bien et est bénéfique pour le musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes, mais il était encore plus pendant Ramadan. Mais à quel moment de Ramadan? Lorsqu'il rencontrait Jibril alayhi salam, lorsqu'il était en compagnie de cet ange noble, Ar-Ruhul Amin. C'est à ce moment-là que le prophète alayhi salatu wassalam atteignait l'apogée dans la générosité et la bonté alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wassalam était ainsi bienfaiteur envers les proches, les besogneux, les pauvres, les nécessiteux. Il était bienfaiteur alayhi salatu wassalam envers ceux qui avaient besoin d'assistance. Al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullah, toujours dans son livre Zadul Ma'ad fi Hadi Khayr al-Ibad, nous décrit la générosité du prophète alayhi salatu wassalam en disant: le prophète sallallahu alayhi wassalam était l'homme qui donnait le plus ses biens en aumône. Il ne considérait jamais une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyée comme trop importante ou peu signifiante. Lorsqu'une personne lui demandait, il donnait que ce soit peu ou énorme. Il donnait tel celui qui ne craint pas la pauvreté. Offrir et donner en aumône était ce qu'il aimait le plus, alayhi salatu wassalam. En tant que donateur, il éprouvait, sallallahu alayhi wassalam, une joie et un bonheur plus grands que ceux du receveur. Il était plus généreux que les vents envoyés. Lorsqu'une personne ou lorsqu'un demandeur lui exposait son besoin, il le privilégiait sallallahu alayhi wa sallam, sur sa propre personne, parfois en donnant de sa nourriture, parfois en donnant de ses vêtements, parfois en achetant une marchandise, sallallahu alayhi wa sallam, puis offrait au vendeur à la fois l'argent et la marchandise. Il donnait de ses biens, alayhi salatu wa sallam, de son argent, mais il offrait aussi ses paroles en encourageant sa communauté à être généreux et à donner en aumône. Lorsque l'avare et le radin le voyaient, alayhi salatu wa sallam, cela le guidait vers la dépense et l'aumône. Puis il dit, rahimahullah, al-imam ibn al-qayyim, si tu as saisi ce qui a été précédemment cité comme comportement du prophète, alayhi salatu wa sallam, alors la communauté se doit de limiter, alayhi salatu wa sallam, dans sa largesse, et multiplier cela durant le mois de Ramadan, afin de faciliter le jeûne aux personnes étant dans le besoin, et ainsi obtenir une récompense égale à la leur. La bonté et la générosité, ce sont deux vertus qui sont à la fois diverses et variées. Chacun est généreux selon sa capacité. Certains nourrissent les affamés, d'autres rendent des services, d'autres portent assistance, d'autres enseignent, conseillent et dirigent les gens vers le droit chemin. La générosité et la bonté, c'était un aspect atypique des prophètes et envoyés d'Allah, alayhim as-salam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de notre père Ibrahim alayhi salam, هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Le récit des hôtes honorés d'Ibrahim, le récit des hôtes honoré d'Ibrahim t'est-il parvenu lorsqu'ils entrèrent chez lui et dirent « Que le salut soit sur vous ». Il répondit, c'est-à-dire Ibrahim, alayhi salam, il leur répondit « Que le salut soit sur vous, ô hôte inconnu ». Il alla hâtivement et discrètement trouver les siens et apporta un veau gras, alayhi salam. Regardez la générosité d'Ibrahim, alayhi salam, et de quelle manière il honore des invités qui étaient pour lui inconnus. Il n'était qu'au nombre de deux, et il leur a servi, alayhi salam, un veau entier gras. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte, selon Abdullah ibn Umar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim » يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, le généreux, fils du généreux, fils du généreux, fils du généreux, Yusuf, fils de Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim عليهم السلام. Quant à notre prophète عليه الصلاة والسلام, aucun homme n'a atteint son niveau ni son degré de générosité, alayhi salatu wassalam. Il donnait, donnait et donnait sans craindre la pauvreté, alayhi salatu wassalam. Il donnait en ayant la conviction intime qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui donne la subsistance. Il plaçait sa confiance entière en Allah subhanahu wa ta'ala, le détenteur de la force inébranlable. Al-Imam Muslim rapporte, selon Anas radiyallahu anhu, « Anna rajulan sa'ala al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ghanaman bayna jabalayni fa'a'tahu iyyah, fa'ata qawmahu faqala ay qawm aslimu fawallahi inna muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhafu al-faqr. » Faqala Anas, إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. Anas rapporte qu'un homme a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, il lui a demandé un troupeau d'ovins entre deux montagnes. Imaginez un troupeau d'ovins qui remplit l'espace entre deux montagnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna. L'homme retourna vers son peuple et leur dit, ô mon peuple, embrassez l'islam. Par Allah, Muhammad donne sans redouter la pauvreté. Anas radiallahu anhu, en commentant ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, un homme peut embrasser l'islam ne voulant à travers cela qu'un bien mondain. Mais une fois converti, l'islam devient plus aimé et plus cher que la terre et ce qu'elle contient. La bonté et la générosité, c'était également ce qui caractérisait les nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués de la meilleure des manières et ils se concurrençaient, radiyallahu anhum, entre eux dans la générosité et la bonté. Zayd ibn Aslam, radiyallahu anhu, rapporte de son père qu'il a entendu Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, dire « Amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman an natasaddaq. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demanda un jour de faire des aumônes et de donner de nos biens. Ici c'est Omar radiallahu anhu qui parle. فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي. Et cela coïncidait avec la période durant laquelle j'avais beaucoup de biens. فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا. Omar radiallahu anhu a dit, je me suis dit alors, s'il y a un jour dans lequel je peux précéder et surpasser Abu Bakr, c'est bien aujourd'hui. Faji'tu bi nisfi mali. Et j'ai apporté la moitié de mes biens au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma abqayta li ahlik, qultu mithlahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et qu'as-tu laissé à ta famille? Je répondis la même chose. Je leur ai laissé la même quantité que celle que je viens de donner. Wa ata Abu Bakr radiyallahu anhu bi kulli ma 'indah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma abqayta li ahlik? Qala abqaytu lahum Allah wa rasulahu. Qultu ay Umar, la usabiquka ila shay'in abada. Puis vint Abu Bakr radiyallahu anhu et apporta avec lui l'ensemble de ses biens, tout ce qu'il possédait, radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'as-tu laissé à tes proches? Il répondit, radiyallahu anhu, je leur ai laissé Allah et son envoyé. Omar dit alors, je ne pourrai jamais te surpasser dans quoi que ce soit. Je ne pourrai jamais te surpasser, en s'adressant à Abu Bakr radiallahu anhu, dans quoi que ce soit. Et Al-Bukhari Muslim rapporte, selon Anas radiallahu anhu, que le compagnon Abu Talha radiallahu anhu faisait partie des Ansar qui étaient les plus riches et il avait plusieurs palmeraies en sa possession. Et la palmeraie qui était préférée, qui était sa préférée, était celle qu'il avait appelée Bayruha, qui était situé en face de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une palmeraie dans laquelle se rendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de boire l'eau qui s'y trouvait car c'était une eau de bonne qualité. Anas radiallahu anhu qui rapporte ce récit a dit, lorsque la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a été révélée, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous ne parviendrez au bien, c'est-à-dire au paradis, que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez, c'est-à-dire de vos biens. Abu Talha s'est levé et s'est dirigé vers le prophète alayhi salatu wassalam et a dit, ô envoyé d'Allah, Ya Rasul Allah, إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. Ô envoyé d'Allah, Allah a dit, vous ne parviendrez au bien que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Et ce que j'aime le plus dans mes biens, c'est Bayruha. Wa innaha sadaqatun lillah. Et cette palmeraie, je la donne en aumône pour Allah. J'espère son bien et j'espère la récompense auprès d'Allah. Fada'ha ya Rasulallah haythu arakallah. Place-la et mets-la à disposition de celui qui te semblera le plus à même d'en profiter. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن, qui est une expression que l'on dit lorsque l'on exprime sa joie et son étonnement. ذاك مال رابح, ذاك مال رابح. C'est un bien rabih, yani fructueux, c'est un bien fructueux. Et j'ai entendu ta demande et je vois que tu dois la partager entre tes proches. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. Et Abu Talha رضي الله عنه s'est exécuté et a partagé cette palmeraie entre ses proches et ses cousins. Sachez, mes frères et sœurs, que l'islam est une religion qui enjoint à donner généreusement, à dépenser dans les voies du bien. L'islam encourage la bonté et la largesse, comme l'islam interdit l'avarice et la radinerie. L'islam, c'est une religion qui fait des musulmans des êtres au tempérament simple. Leurs mains n'ont pas peur de dépenser. L'islam fait des musulmans des êtres qui accourent et saisissent la moindre occasion d'être bienfaisant et d'être profitable. Et ce sentiment ne les quitte ni le matin ni le soir. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Alladhina yunfiquna amwalahum fi billayli wal nahar. Alladhina yunfiquna amwalahum billayli wal nahari sirran wa alaniyah. Falahum ajruhum inda rabbihim. Wala khawfun alayhim walahum yahzanun. » Ceux qui dépensent leurs biens nuit et jour, secrètement et publiquement, leur récompense est auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre pour l'au-delà et ne seront point affligés pour ce qu'ils auront laissé sur terre. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme le rapporte Abu Umama radiyallahu anhu, et le hadith est présent dans le recueil de l'imam Muslim, il dit alayhi salatu wassalam, Yabna Adam, innaka an tabdhula al-fadl khayrun lak wa an tamsikahu sharrun lak. ولا تلام على كفاف وابدا بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô fils d'Adam, dépense le surplus de biens que tu possèdes, cela est meilleur pour toi. Tu seras jugé sur le surplus laissé, nul grief pour ce que tu gardes et dont tu as besoin. Commence par ceux qui sont sous ta responsabilité. C'est-à-dire lorsque tu donnes le surplus de tes biens, commence par ceux qui sont sous ta responsabilité. La main donneuse est meilleure que la main receveuse. Al-yadul ulya khayrun min al-yadis sufla. La main haute est meilleure que la main basse. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُعْطِيَةِ. Et la main haute, c'est la main donneuse. Comme je l'ai dit, la bonté et la générosité sont de diverses formes. Le musulman est généreux et bon en donnant des biens d'Allah qu'Allah lui a octroyés. Il donne à ceux qui en ont besoin. Il donne de la nourriture, de la boisson. Il offre des vêtements, il offre un toit, des médicaments et toute autre chose qui apporte un bien et une bienfaisance à ceux qui sont dans le besoin. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nous rapporte qu'un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ya Rasulallah, ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Ô envoyé d'Allah, qui sont les gens les plus aimés chez Allah et quelles sont les actions les plus aimées chez Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Ahabbu an-nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum lin-nas. Les gens les plus aimés chez Allah, c'est ceux qui sont les plus profitables aux gens. Wa ahabbu al-a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu 'ala muslim aw takshifa 'anhu kurbah aw taqdi 'anhu dayna aw tatrud 'anhu ju'a. Et la meilleure et les meilleures œuvres et les œuvres les plus aimées chez Allah sont une joie que tu fais entrer dans le cœur d'un musulman, ou le libérer d'une difficulté, ou lui rembourser une dette, ou repousser de lui la faim. Être bon et généreux, c'est également de donner de sa science et de sa connaissance. Le généreux, c'est celui qui ne dissimule pas et qui ne garde pas la science et la connaissance pour lui, mais il l'enseigne aux gens, dirige les gens vers cette science. Contrairement à l'avare qui garde cette science pour lui dans le but d'être le seul à la connaître ou d'être le seul à détenir ce savoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man da'a ila huda, celui qui appelle à une voie, il aura la récompense de tous ceux qui l'auront suivi, sans que leur récompense à eux ne soit diminuée. Et celui qui appelle à un égarement, il aura le péché de tous ceux qui l'auront suivi, sans que leur péché ne soit diminué. Être généreux, c'est porter conseil à celui qui en a besoin. Le généreux n'est pas avare en conseil, en conseillant ses frères et sœurs en islam, un conseil qui leur est profitable dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré cela comme un droit, comme un droit d'un musulman envers l'autre. Il dit alayhi salatu wa salam: wa idha stansahaka fansahhu wa idha stansahaka fansah lahu. Et s'il te demande conseil, conseille-le. Et il dit alayhi salatu wa salam dans le hadith de Tamim ibn Aws al-Dari radiyallahu an, dans le sahih de l'imam Muslim: la religion, c'est le conseil. Ad-din an-nasiha. Nous avons dit: envers qui? Il a répondu alayhi salatu wassalam: envers Allah, envers son livre, envers son prophète, envers les gouverneurs musulmans ainsi que la masse des musulmans. Le généreux et le bon offrent également son comportement exemplaire. Il donne de sa gentillesse et de sa douceur. Il offre son sourire et ses paroles mielleuses. Il donne de son temps et de son repos. Il donne de sa tranquillité. Il offre son écoute attentive. Il offre son amour et sa pitié. Il offre ses invocations et son intercession. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Le croyant qui a la foi la plus complète est celui qui a le comportement le plus exemplaire. وخيركم خيركم لنسائه. Et le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers ses épouses. Ô toi qui es doté d'un bon comportement, offre ce bon comportement à l'une des personnes qui le mérite le plus, à savoir ton épouse. Et certaines personnes, qu'Allah nous guide et les guide, ont un comportement exemplaire lorsqu'ils sont en présence d'amis ou de frères ou des membres de leur famille. Mais lorsqu'il entre chez lui et qu'il a affaire à son épouse, son tempérament change. Ce comportement louable et respectable se transforme en comportement exécrable. Wal'iyadhu billah. Cela n'est pas ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir loué et fait l'éloge de ceux qui détiennent des comportements exemplaires, en les caractérisant et en disant qu'ils font partie des croyants les plus complets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé et nous a montré l'une des personnes qui mérite le plus de recevoir et de profiter de ce comportement exemplaire, à savoir nos épouses. Le généreux, c'est celui qui offre également son aide physique. Il offre ses efforts. Il donne sa force physique au service des faibles. Il se déplace dans l'intérêt des gens. Il se fatigue pour eux, veille la nuit à leur service. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu sulama min an-nas alayhi sadaqa ». Toute articulation de l'être humain est redevable d'une aumône. Chaque jour dans lequel le soleil se lève. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite les différentes formes et les différents actes, les différentes œuvres par lesquelles l'on donne des aumônes pour le compte de nos articulations. D'être juste entre deux personnes est une aumône. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Et d'aider un homme à monter sur sa monture ou de lui donner la marchandise ou de lui donner la marchandise et de la lui donner pour qu'il la monte sur sa monture est une aumône. Wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah. La bonne parole est une aumône. Wa kullu khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah. Et tout pas, chaque pas que tu fais pour te diriger vers la prière est une aumône. Wa tumitu al-adha 'an at-tariqi sadaqah. Et d'enlever une chose néfaste du chemin des gens est une bonne aumône. Le généreux est celui qui est généreux envers ses parents, en étant humble, en étant bienfaisant à leur égard, par sa parole, à travers ses paroles, à travers ses actes, à travers son comportement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ton Seigneur vous ordonne de n'adorer que lui et de faire preuve de bonté envers père et mère. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent l'âge de la vieillesse auprès de toi, ne leur dis pas ouf, ne les rudoie pas, mais adresse-leur des paroles affectueuses. Et par miséricorde, fais preuve d'humilité envers eux et dis « Seigneur, sois miséricordieux envers eux comme ils l'ont été envers moi lorsqu'ils m'ont élevé quand j'étais enfant. » D'être généreux et bon envers ta famille et tes proches. Ce sont les gens qui méritent le plus ta bonté et ta générosité. En nouant les liens de parenté et les liens qui te lient avec eux. L'imam Muslim rapporte, selon Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. » ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. الله أكبر. Un dinar que tu donnes dans le sentier d'Allah, et un dinar que tu donnes pour affranchir un esclave, et un dinar que tu donnes à un pauvre, et un dinar que tu dépenses pour ta famille. Celui qui sera le plus récompensé, c'est-à-dire le dinar pour lequel tu obtiendras la plus grande récompense, alladhi anfaqtahu ala ahlik, le dinar que tu as dépensé pour ta famille. Et Aïcha radiallahu anha rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum li ahlih, wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille. Et je suis celui qui est le meilleur avec sa famille, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Être généreux et bon, c'est être généreux envers son voisin. D'être généreux envers son invité et celui qui lui rend visite. Quant au bénéfice de la bonté et de la générosité, il y a tout d'abord la multiplication des récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلِ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ » Ceux qui dépensent leurs biens sur le sentier d'Allah sont semblables à un grain qui produit 7 épis, contenant chacun 100 grains. Allah multiplie sa récompense à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Le musulman doit donc voir ces personnes nécessiteuses, en faveur desquelles il agit. Il doit voir ces personnes comme une cause d'un commerce des plus fructueux. Cette journée qu'il leur aura consacrée, même si elle lui paraît moindre, elle sera décuplée le jour dernier, non pas par 2 ou 3, mais par des multiples connus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal, « Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana, fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. » Qui accordera à Allah un prêt gracieux afin qu'il lui rende multiplié maintes fois? Allah restreint et étend, c'est-à-dire la subsistance est toute chose, et c'est vers lui seul que vous serez amené. Le fait d'être bon et généreux apporte la sécurité dans cette vie d'ici-bas et évite la tristesse et les tracas le jour dernier. Uqba ibn Amir radiallahu anhu a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, « Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bayna an-nas. » Chaque personne sera sous l'ombre de son aumône le jour dernier jusqu'à ce que les gens soient jugés. Le fait d'être bon et généreux purifie les cœurs de la maladie, de la jalousie, purifie les cœurs de la haine et remplace cette jalousie, cette haine par l'amour et l'entraide. Car l'être humain est attiré vers celui qui est bon, celui qui est généreux et bienfaisant. Et l'être humain répugne les avares, les radins et ceux qui sont injustes. Le fait d'être bon et généreux, c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la bénédiction dans tes biens. Et c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a promis à celui qui est reconnaissant vis-à-vis des bienfaits dont il jouit, Allah azza wa jal lui a promis le surplus de bien, de bonté et de bienfaisance. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adhabi la shadid. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, j'accroîtrai, c'est-à-dire mes bienfaits sur vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. C'est donc une grande erreur, et c'est un mauvais soupçon envers Allah subhanahu wa ta'ala de penser que le généreux, le bon, celui qui a la largesse, que plus il donne, plus il dépense, et plus il se rapproche de la pauvreté. Ceci est une insufflation satanique que seules les âmes avares acceptent. Quant aux croyants, ils mettent en application cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Satan vous fait craindre la pauvreté et vous invite à commettre des turpitudes, tandis qu'Allah vous promet son pardon et sa grâce. Allah est immense et omniscient. La vérité est que la bonté et la générosité sont des voies qui amènent vers la largesse dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ce sont des voies qui amènent à la richesse et à l'augmentation des biens. Abu Kabshat al-Anmari radiyallahu anhu a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Thalathatun uqsimu alayhin wa uhadithukum hadithan fahfadhuh » Il y a trois choses, je jure à leur sujet, je vais vous les citer, apprenez-les. Puis il a dit alayhi salatu wassalam, « Ma naqasa malu abdin min sadaqah » Jamais les biens d'un serviteur ne diminuent par une aumône. « Wa la zulima abdun mazlamatan fa sabara alayha illa zadahu allahu izza » Allahu Akbar. Il n'y a pas un serviteur qui est victime d'une injustice, puis patiente face à celle-ci, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'élève en degré et lui accorde force. وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ Il n'y a pas un serviteur qui ouvre la porte du fait de mendier sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui ouvre une porte de pauvreté. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ Et ceci, bien sûr, concerne ceux qui demandent alors qu'ils n'en ont pas besoin. Que chaque donateur, que chaque bienfaiteur, que chaque généreux sache donc que tout ce qu'il aura dépensé dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala restera. Ce sera une provision pour lui le jour dernier. Et la preuve, et je terminerai par ce hadith, est le hadith de Aïcha radiyallahu anha, qui rapporte qu'ils ont sacrifié une brebis au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma baqiya minha » Que reste-t-il de cette brebis ?« Qalat ma baqiya minha illa katifuha » Aïcha radiyallahu anha a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Il ne reste de la brebis qu'une épaule » فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها الله اكبر Et le prophète صلى الله عليه وسلم a corrigé Aïcha en lui disant il reste toute la brebis sauf son épaule. Autrement dit, que tout ce qui a été donné de cette brebis et de ce qui a été dépensé de cette brebis pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui a été donné de cette brebis pour nourrir les pauvres et les nécessiteux, c'est en réalité ce qui reste. Et ce qui reste physiquement de cette brebis, à savoir son épaule, en réalité ne reste pas. ونكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واستجب اللهم دعاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين